Placide Niyomongere. À la troisième semaine de la rentrée scolaire, les directeurs des écoles fondamentales d'Okinama et Kamingé à mairie de Bujumbura enregistrent un effectif élevé des élèves et un manque de matériel scolaire, surtout ceux de l'enseignement post-fondamental. Yves Honzimana pour les détails. À l'école fondamentale de Kamenge, le directeur de cette école indique que le redéploiement est lié à son établissement, surtout pour les enseignants des classes de 10e, Léo Tuyaga. Nous enregistrons trois départs. Ces trois départs sont surtout des enseignants des classes de 10e de l'année passée qui avaient une charge horaire complète au niveau de la 10e. Même son de cloche à l'école fondamentale de Kinama, Ichuburundi Makire est la directrice de cette école. Nous avons beaucoup de problèmes en première année post-fondamentale. D'abord, du fait que les effectifs sont très élevés et que nous n'avons pas de salle pour faire des classes parallèles, sauf en première année science, où nous avons essayé d'occuper la salle qui était réservée à la première scientifique et belle l'année prochaine. Et pour ce qui est de la section langue, nous avons tellement de problèmes du fait que nous avons les 159 élèves qu'on nous avait donnés à la première orientation. Et puis nous avons aussi les élèves qui continuent à réclamer pour venir en section langue chez nous et nous n'avons pas. Pour ce qui est des manuels, nous avons déjà le livre du maître, nous n'avons pas de livre de l'élève. Et les enseignants ont tellement de difficultés à mener leurs leçons du fait que la plupart de matières, la plupart de ce qu'ils pouvaient donner aux élèves se trouve dans le manuel de l'élève. Parce que dans le livre du maître, il y a beaucoup de références qui renvoient dans le livre de l'élève. Tous ces directeurs demandent aux autorités supérieures de fournir des manuels suffisants afin de leur faciliter la tâche. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Le pont provisoire sur la rivière Mouha à l'avenue du Large à mairie de Bujumbura s'est écroulé suite aux pluies diluviennes tombées dans la nuit de samedi à dimanche. Les usagers de ce pont disent que les pertes sont énormes, d'autant plus qu'ils sont obligés d'emprunter la route Rumongue en passant par Moussaga. Le directeur technique de l'entreprise ECA qui procède à la réhabilitation de ce pont tranquillise ses usagers, disant que ce pont sera praticable au plus tard ce mardi. Alain Désiré Wokayenez. Nous sommes sur le pont provisoire de la rivière Moura, reliant le sud au centre de la ville de Bujumbura, sur l'avenue du Large. Ils essaient de réhabiliter le pont qui s'est écroulé suite aux pluies diluviennes de la nuit de ce samedi. Les véhicules ne passent pas, seuls les vélos et les motos peuvent y passer. Autour du pont se trouvent les immondices de toutes sortes qui proviennent du nord de la rivière Moura. Les transporteurs disent qu'ils encaissent de pertes énormes aussi longtemps qu'ils sont obligés de passer par la route Lumongue ou contourner vers Moussaga. Les commerçants aux alentours et aussi éprouve des difficultés. Celui-ci dit que parmi les causes de cette destruction figurent les immondices jetées dans la rivière. Les problèmes ne manquent pas parce qu'il n'y a pas de circulation, mais on est en train de faire tout le possible. Je crois que la circulation peut reprendre d'un moment à l'autre. Ce qui s'est passé, c'est catastrophique. Les chargés de l'assainissement devraient lutter contre les saletés jetées dans les rivières car ça cause des problèmes. Le mieux serait de terminer la construction du pont et laisser les exploitants du sable et de la rivière Moura de continuer le curage pour faciliter l'écoulement de l'eau. Le directeur technique au sein de l'entreprise ECA, qui construit le pont Mouha et qui réhabilite en installe le pont provisoire, dit qu'au plus tard ce mardi, le pont sera praticable. Marc Elouguerignang. On est en train de reconstituer le rambouillet qui est parti pour que la circulation puisse se rétablir aujourd'hui ou demain. Concrètement, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Le remblai. C'est là pour combien de temps pour que le pont soit praticable? Aujourd'hui, je pense que ces travaux vont finir. Votre entreprise procède à la construction du pont qui relie le sud au centre-ville. Quand est-ce que les travaux vont se terminer? Les gros travaux sont terminés, on est en train de faire les derniers travaux de finissage. Ce directeur précise que le pont effectif en cours de construction pourra terminer à la fin de ce mois. Un homme du nom de Nyandouya Loïse de la colline Rougueyong, zone Namba de la province Bubanza, est porté disparu depuis ce dimanche. Sa famille indique qu'il avait passé sa journée à Rougueyoura, en province Kayanza, mais il n'est pas arrivé à la maison lorsqu'il est rentré le soir. La même source pense que cet homme aurait été tué, puisqu'elle précise qu'elle n'a trouvé à la rizière de la Kibira, que les provisions qu'il avait achetées. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. En actualité internationale, en République démocratique du Congo, au moins 9 personnes ont été tuées ce dimanche soir dans la région de Beni. Et au Niger, la chancelière allemande est en visite dans ce pays. Les échanges avec le président Issoufou Mahamadou porteront sur 4 domaines prioritaires. Et en Mauritanie, l'opposition est contre toute discussion sur un troisième mandat présidentiel. Cette actualité internationale nous est détaillée par Mireille Kanyang. Commençons cette actualité internationale par la Mauritanie, où l'opposition s'est insurgée ce week-end contre toute discussion sur un troisième mandat présidentiel. Elle a ainsi réagi aux propos du porte-parole du gouvernement. Ce dernier a affirmé que la modification de la limite de 2 mandats présidentiels serait à l'ordre du jour du dialogue en cours sur la révision de la Constitution. Parmi les réformes constitutionnelles que propose le parti au pouvoir, comme l'indique le site web de la radio britannique BBC, figure notamment la modification du drapeau national. Après Bamako ce dimanche, la chancelière allemande Angela Merkel est attendue à Niamey. C'est sa première visite au Niger depuis qu'elle est chancelière et c'est le chef de l'État, Mahamadou Issoufou, en personne qui va l'accueillir dès l'atterrissage de son vol spécial en provenance de Bamako. Les échanges porteront, comme l'indique ce site, sur 4 domaines prioritaires, à savoir la décentralisation et la bonne gouvernance, l'agriculture et la sécurité alimentaire, la santé et l'éducation primaire. La sécurité et la migration clandestine seront également à l'agenda des 2 premiers responsables de l'Allemagne et du Niger. En République démocratique du Congo, un nouveau massacre à Beni a fait au moins 9 morts dans une attaque qui a eu lieu ce dimanche soir dans l'est du pays. Un bilan provisoire fait état de 9 morts, dont 2 militaires et un assaillant, et l'attaque est attribuée aux rebelles ougandais des ADF, et des centaines de personnes ont été tuées dans ces attaques récurrentes à Beni depuis 2 ans, note la RFI. Merci Mireille, et ainsi se referme ce jour-là, il est 13h15 à Bujumbura. J'en rappelle les grands titres avant de nous séparer. Le pont provisoire érigé sur la rivière Moura à l'avenue du Large en mairie de Bujumbura n'est plus praticable depuis samedi. Il s'est écroulé suite à une forte pluie tombée la nuit de samedi à dimanche. La rédaction y a dépêché un reporter, vous avez suivi son topo. Et le ministère burundais de la Justice et le Haut Commissariat des Droits de l'Homme ont lancé ce matin la campagne dite des audiences itinérantes dans certaines prisons à travers tout le pays. L'activité permettra un traitement rapide des dossiers des prévenus, comme l'a déclaré l'inspecteur général de la justice. Et puis, les élèves du lycée de la commune de Wosiga perdent beaucoup de temps d'études pour aller puiser de l'eau de cuisson. Ce manque d'eau date du mois de mai et l'on craint des maladies des mains sales à cet établissement qui compte plus de 700 élèves internes. Merci à vous tous d'avoir suivi ce journal. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Merci également à Séraphine Akizimana pour la mise en onde au micro. Jean Bosco Nduwimana, à mon après-midi.